بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 15 بعد 200. يقول سئل الشيخ رحمه الله تعالى: ما معنى قول بعض الناس نية المؤمن خير من عمله؟ Donc interrogé à propos de certaines personnes qui disent que l'intention du croyant est meilleure que son acte, meilleure que son œuvre. فأجاب رحمه الله تعالى: معناه أن النية قد يدرك بها ما يدرك بالعمل. مثل أن يكون رجل عاجز عن فعل الطاعة ويتمنى أن يدرك هذه الطاعة فينويها، هذه قد تكون خيرا من العمل. Donc il a dit, le sens de cela, c'est que on peut obtenir par l'intention ce qu'on ne peut peut-être ne pas obtenir par un acte. Par exemple, une personne qui est dans une incapacité d'agir, derrière de faire une certaine adoration particulière, mais il souhaiterait la faire au fond de lui. Et bien cette intention, ce soi qu'il a en lui, alors peut-être meilleur que l'acte en lui-même. Par son intention. ولهذا جاء في الحديث من لم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالعزو مات على شعبة من النفاق أو شعبة من النفاق. Donc c'est pour ça que par exemple il y a le hadith qui est venu qui dit que celui qui n'a pas fait de conquête, ça veut dire avec le gouverneur lors d'un djihad, et qui n'y a même pas songé, qui n'y a même pas pensé, sera mort sur l'une des branches de l'hypocrisie. C'est-à-dire que chaque musulman au fond de lui, par exemple aujourd'hui, à une époque, là actuellement là, il n'y a pas de djihad offensif. Là actuellement, il n'est pas réalisable, par exemple. Mais chaque musulman au fond de lui devrait s'imaginer en train de le faire. Se dire, si on avait un gouverneur, si on avait cela, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela, et j'y participerais par exemple. C'est-à-dire qu'au fond de lui, il aimerait, mais bien qu'aujourd'hui, il sait que ce n'est pas réalisable actuellement, là. Actuellement, ce n'est pas réalisable. Mais ça l'a été auparavant, et ça va le redevenir plus tard. Inch'Allah. Donc, celui-là, par sa niya, il est récompensé. وَثَبَتَ عَنْهُ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمْ أَنُوْ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللَّهُ وَشَهَدَ بِصِدْقٍ فَإِنَّهُ يَنَالُ مَنْزِلَةَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ لَفِي رَوْشِهِ. وكذلك il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui par exemple qui demande à Allah le martyr et qui est véridique en cela, il a dit elle est sincère, alors que Allah azza wa jalla lui donnera le statut, plutôt on va dire le niveau, le même degré que les martyrs, même s'il meurt sur son lit. Ça ce fut le cas de qui par exemple qui est connu? Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, Saifullah, l'épée d'Allah azza wa jalla, l'un des plus grands guerriers qui a connu l'islam. Il a participé et a été chef de troupe de nombreuses fois, à tel point qu'il a été dit qu'il n'est pas une partie de son corps sans qu'il ait une cicatrice d'un coup d'épée, d'une lance, d'une flèche ou autre. C'était un grand guerrier. Même avant l'islam, c'est déjà un grand guerrier. Cependant, il n'était pas sur la vérité. Mais il était déjà connu pour être un grand guerrier. Et cet homme-là, il est mort où? Sur son lit. Subhanallah. Il a participé à quasiment toutes les guerres et en avant, sur le haut front. Et malgré cela, il est mort sur son lit. Il n'est pas mort au combat. Lui qui voulait justement cela. Pensez-vous qu'un tel homme n'a pas le degré des shuhada auprès d'Allah Azza wa Jal? C'est un certain qui va l'avoir. C'est un sahabi. Non. قَالَ وَمَذَا يُسْتَثْنَا مِنْهُ. Maintenant, quelle chose fait exception à cette règle? يُسْتَثْنَا مِنْهُ إِذَا كَانَ الْإِنسَانُ قَادِرًا عَلَى الْعَمَلِ وَلَكِنْ لَمْ يَعْمَلْ فَلَا نَقُولْ هَذَا الرَّجُلْ نِيَتُهُ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ لِأَنَّ لَوْ كُنَّ هَذَا بَقِيَ الْإِنسَانُ مُسْتَطِيعًا لِلطَّاعَةِ لَا يَفْعَلُ الطَّاعَةَ وَيَقُولُ النِّيَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ. Donc fait exception à cette règle, une personne qui lui est en mesure, ou plutôt elle qui est en mesure d'agir mais n'agit pas. Elle se dit ah j'aimerais bien faire telle chose. Elle peut la faire mais ne la fait pas. Est-ce qu'on va dire que sa niyyah est meilleure que l'acte? Non. Cette règle est valable pour celui qui ne peut pas faire la chose. Ou qui n'a pas réussi, qui a essayé, qui n'a pas réussi à l'obtenir. Mais celui qui peut l'avoir et qui peut la faire mais qui ne l'a pas faite pour une raison, on va dire, liée, qui ne soit pas liée plutôt à une excuse légiférée, par exemple la paresse ou je ne sais d'autres quelles raisons, et bien lui, on ne pourra pas dire que sa niyyah est meilleure que son acte. Non. Sinon, d'autres hadiths confirment que la niyyah peut apporter des récompenses et peut également coûter une mauvaise action. Non. ثم قال في السؤال السادس 16 بعد المئتين 216 question. سؤال الشيخ رحمه الله تعالى بارك الله فيكم. نسمع للأسف الشديد من المسلمين من بل من أبناء جلدتنا من يقول أنا والله أثق بالعمالة من الكفار أكثر من المسلمين، فما رأيكم في مثل هذا القول وما توجيهكم لهؤلاء؟ Donc il est interrogé à propos de certaines personnes qui ont un grand regret parmi les musulmans, et apparemment il s'agirait même d'arabes, qu'ils disent « Je jure par Allah que j'ai plus confiance en la main d'œuvre des koufars que celle des musulmans. » Donc quel est votre avis par rapport à cette personne et quelles sont vos indications ? « Fa'ajab rahmanahu ta'ala »« Rayuna fi hadha anu khata » أن نفضل الأعمال الكافرة على الأعمال المسلمة على سبيل الإطلاق. Il a dit cela est une erreur de préférer la main d'œuvre mécréante à celle des musulmans dans l'absolu. Comme ça, comme dans cela cité dans la question. لكن لو رأينا رجلا مسلما مكسرا في عملي ورجلا كافرا يأتي بعملي على التمام فلنا أن يقول إن هذا في عملي أفضل من هذا في عملي. Il a dit par contre si on voit par exemple un homme musulman qui est négligent dans son travail, et qu'on voit un homme kafir, qui lui est minutieux et complet, et travaille correctement, alors on dira, l'œuvre d'un tel est meilleure que l'œuvre de l'autre. Par exemple. Amma la sabil al-umum wa l'itlaq fa hadha gharat azim wa yukhsha ala iman al-mar'i an yufaddila ghayr al-muslimin ala muslimin ala l'itlaq. Lian Allah subhanahu wa ta'ala qala wa la abdu al-mu'minun khayrun min mushrikin wa law a'jabakum. وقال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. Donc il a dit maintenant le fait de faire une préférence générale et dans l'absolu, cela est une grande erreur. Et on craint pour la foi de la personne qu'il préfère les musulmans, les kuffars, aux musulmans dans l'absolu. Car dans le sens Allah Azza wa Jalla dit que le serviteur croyant est meilleur, plutôt l'esclave croyant est meilleur que le mushrik, même si celui-ci vous plaît. Surat al-Baqara à la page verset 221. Et la suite du verset dit également, dans le sens, et que la servante, c'est-à-dire la femme esclave croyante, est meilleure que l'associatrice, c'est-à-dire même la femme qui est libre, même si celle-ci vous plaît. À la base, le verset fait allusion au mariage, mais il est général. Que le croyant est meilleur que le kafir. Taïb. ثم إن الإنسان يجب أن ينظر في من نيحية الجهاد التي يذهب إليها هذه الأجور. Également, il faut regarder dans quelle direction se dirige justement les récompenses de ses actes. إذا كانت الأعمال كافرة فإن كسبها يذهب إلى صناديق الكفار ثم قد يكون هؤلاء القوم من كفار يقاتلون المسلمين في بلادهم فتكون هذه الأجور التي تدفعها إلى هؤلاء العمال في صدور المسلمين في بلاد هؤلاء الكفار والإنسان يجب أن ينظر إلى الأمور من كل جانب. عفوا جمال خادوي. Donc maintenant faut voir ces salaires qui sont attribués à ces kuffars. Dans quoi est-ce qu'ils sont dépensés par la suite ? Et ils vont où ? Quand tu payes un kafir, par exemple des employés koufars dans un pays d'islam pour travailler, c'est le paye qu'on leur donne. Dans quoi est-ce qu'elles se retrouvent ? Elles se retrouvent dans leur avantage à eux. Ils s'en servent à eux, soit pour propager le kouf, pour faire du mal, et il dit également pour combattre les musulmans. Pour combattre les musulmans dans leur pays. Donc ce qu'on leur donne comme paye, cela apportera du mal aux musulmans. Donc il faut regarder dans tous les côtés. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas permis d'employer, d'embaucher un kafir. Là, lui, il parle de façon générale. De façon générale, que les koufars, tu les vois faire un bon travail dans beaucoup de domaines, mieux que des musulmans. Et Allah, il l'a dit, « Ya'lamun dhahirum min al-hayati dunya wa hum 'an al-akhirati mughafilun » qui connaissent le côté apparent de la dunya, mais ils sont inattentifs à l'au-delà. Parce que les koufars, la dunya, c'est ça leur ibadah. Et c'est leur jannah. Donc ils sont à fond dedans, investis grandement dedans. Quant aux musulmans, à la base, en faisant peu d'efforts, ils pourraient avoir des plus grands résultats. Mais les musulmans sont trop loin de leur religion à cette époque, il est marhamallah. Donc ils sont devenus faibles dans la dunya et faibles dans leur religion. Sans quoi, le muslim, al-muwaffaq, sera meilleur que le kafir dans son travail. Mais aujourd'hui, à cause des péchés, de la faiblesse de la foi, de l'ignorance, les musulmans, et ben dans ce domaine-là, ils sont en retard. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est dans l'absolu ? Non, tu vas avoir des musulmans qui font des grandes choses, même des koufars, en bouge des musulmans dans des domaines importants. Ingénieur, médecin, architecte, je ne sais quoi, hein, dans les grands domaines. tu vas voir qu'il y a des musulmans et tu n'es même pas au courant. Et tu verras par contre que le travail de ce musulman sera sous l'enseigne d'une société kafir, malheureusement. Tu ne sauras pas que c'est un musulman qui a fait tel et tel travail, telle et telle recherche, qui a fait telle et telle découverte. Ça, ils ne le diront pas. Ils diront, par exemple, telle compagnie a découvert telle et telle chose. Sans préciser que peut-être que l'auteur de cette découverte est un musulman. Ils ne le diront pas, ça. Wa li'azbillah. Non. هذا الذي أخذنا اليوم من هذين السؤالين والحمد لله.